Chapitre 3e. Igo Teruga appuya son oreille contre le panneau, mais la porte était épaisse, il n'entendit plus rien. Au risque d'être surpris, il poussa de nouveau le bâton et, par la fente ainsi ménagée, réussit à percevoir un murmure de voix. Seulement, il ne put distinguer ce qui se disait. Évidemment, ce devait être intéressant. Est-ce que par hasard, Gilcott, se fiant justement sur ce que la police ne penserait jamais, qu'il aurait l'audace de retourner chez lui, aurait eu l'audace de revenir chez lui? Ce serait vraiment extraordinaire. Mais que ce fût Gilgot ou de ses complices, la prise serait bonne. Igo Teruga saisit le pistolet automatique dissimulé sous ses haillons et bravement entra. Il referma sans bruit la porte sur lui et se trouva dans un vestibule à peine éclairé par les rayons de la lune qui filtraient à travers les jalousies. Igo Teruga vit des panoplies d'armes indiennes qui luisaient, accrochées aux murailles, un casque d'aloès, celui de l'ingénieur, était posé sur un porte-manteau. Igo Teruga traversa la petite pièce et, sur la pointe des pieds, marcha vers une porte derrière laquelle provenait le bruit de voix. Il colla son oreille contre le battant et écouta. Il tressaillit. Ce n'était pas Gilcott qui était là, c'était des indigènes. Ils employaient la langue tamoule qui se parle assez lent. Igo Teruga, heureusement, connaissait tous les dialectes asiatiques. Il entendit ces mots extraordinaires. « Prends garde à toi, Tambol. Tu dois nous aider à retrouver les prunelles du Très-Saint. Nous t'en rendons responsable, toi aussi. Tu n'es pas sans être renseigné. Prends garde à toi. Notre patience est courte et Kali ne pardonne pas. Je te jure, je ne sais rien, je suis pas assez. Si dans une semaine, les prunelles du Très-Saint ne sont pas retrouvées, tu mourras. Oh !» Igo Teruga entendit un grognement ironique et des pas précipités. Il n'eut que le temps de se jeter sous l'escalier de pierre, occupant un angle du vestibule. La porte s'ouvrit. Un hindou, n'ayant pour vêtement qu'une sorte de caleçon de cotonnade et dont la face bronzée était surmontée d'un turban en loques, apparut. Il passa comme un trait et atteignit la porte du jardin qu'il ouvrit. Il disparut aussitôt dans les ténèbres du dehors. Presque aussitôt, son interlocuteur sortit à son tour. Igo Teruga, sans hésiter, lui sauta à la gorge et par une savante passe de jiu-jitsu, la bâtit sans force à ses pieds. Un cri et tu es mort. Souffla le détective japonais en maintenant l'inconnu sous son genou. L'individu, un hindou paraissant une vingtaine d'années, qui était enveloppé d'une sorte de gandoura de cotonnade, laissa échapper un soupir de terreur. « Qui es-tu? Parle vite !» gronda Igo Teruga. « Je suis Tambol. » « Le boy de l'ingénieur? Très bien. Que faisais-tu ici? Où est ton maître? Dépêche-toi de répondre ou je te tue !»« Je ne sais pas, Sahib, je vous le jure !» bafouilla Tambol. Car c'était lui. Tu ne sais pas. C'est ce que nous allons voir. Que faisais-tu ici? Qui était l'homme qui vient de partir? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Prends garde, je l'ai vu. Je sais qui c'était moi. Allons, son nom? En guise de réponse, Tambol se borna à claquer des dents de frayeur. Son nom ou je te tue? Gronda Igo Teruga en approchant son pistolet de la tempe de Tambol. Le boy ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ce nom qu'on lui demandait devait être terrible à prononcer, puisqu'il préférait mourir plutôt que de le révéler. Igo Teruga, qui n'avait montré son pistolet que dans l'espoir d'avoir une réponse, ne tira pas. « Me diras-tu ce que tu faisais ici ?»« Je ne sais pas. » Il fut impossible, malgré prière ou menace, de rien tirer d'autre du boy. Tambol claquait des dents et roulait des yeux blancs. Igo Teruga, sans plus insister, ligota l'hindou et le bâillonna. Puis, son pistolet au poing, il entreprit d'explorer la maison. Il fouillait les pièces les unes après les autres dans l'espoir de découvrir quelqu'un d'ici intéressant. Il ne découvrit qu'une chose, à savoir que d'autres que lui étaient venus et avaient visité les meubles dont les portes étaient ouvertes et les tiroirs béants. Le rembourrage des sièges avait été éventré. Les nattes gisaient en tas. On avait même examiné les rainures du plancher. Le mystère croissait.